L'idée venait d'Aurore, mais avait séduit Pascal. Et le dîner à quatre improvisé dans le jardin d'hiver de Pérols était d'une folle gaieté. Alors qu'elle se croyait incapable de s'amuser, encore traumatisée par la vue aérienne du parc, Pascal avait fini par céder à l'humour de Georges et au rire communicatif de Sam. Les innombrables bougies installées par Aurore dans tous les chandeliers disponibles créaient une atmosphère de fête, tout comme le champagne apporté par Georges. Et même s'ils ne savaient pas exactement pourquoi ils s'étaient réunis, ils étaient heureux de se retrouver ensemble, tous les quatre autour du confit de canard, accompagnés de pommes de terre à l'ail. Après avoir épuisé leurs plaisanteries habituelles de carabin et les dernières anecdotes du service de Nadine Clément, ils en revinrent tout naturellement au parc de Pérols. « Au moins maintenant nous sommes fixés », déclara joyeusement Aurore. « L'estrade n'est pas un dangereux psychopathe. On a enfin compris pourquoi il s'incrustait comme ça. »« Il vous faisait vraiment peur ?» s'inquiéta Georges. « C'était un peu effrayant de le voir surgir n'importe quand. Il n'a jamais voulu rendre la clé de la petite porte, et on pouvait toujours craindre de le trouver embusqué derrière un massif. « Avec un outil tranchant à la main, » renchérit Pascal en riant. « Un soir, il m'a flanqué une trouille bleue. » « Deux femmes seules dans une grande maison isolée, » fit remarquer Georges d'un ton ironique. « Rassure-toi, » répliqua Aurore. « Nous ne sommes pas impressionnables et nous n'avons pas besoin de garde du corps. » Elle lui adressa un sourire éblouissant avant de proposer du café. « Je m'en occupe, » décida Pascal qui était déjà debout. Samuel la suivit jusqu'à la cuisine, portant une pile d'assiettes sales. « Tu as l'air d'aller mieux, » constata-t-il. « Tu as ri de bon cœur ce soir, et j'en suis ravi. » Il remarquait toujours ses changements d'humeur, peut-être parce qu'il la connaissait mieux que personne. Attendrie, elle le considéra quelques instants en silence. « J'ai l'impression d'être soulagée, » admit-elle enfin, sans trop savoir de quoi. D'avoir percé le mystère qui entourait Julia. « Oui, et maintenant je me demande ce que je vais faire avec le jardin. Papa me conseille de tout chambouler, mais je ne suis pas sûre de vouloir détruire cet immense travail. Ce serait presque sacrilège. Pourquoi ? Ces fleurs sont un vestige, Pascal. Elles ne servent à rien ni à personne. Et nous serons les seuls à avoir vu ce qu'elles disent ? Pas tout à fait. » Elle le vit marquer une légère hésitation, puis il enchaîna. « Je suis revenue au-dessus de Pérols aujourd'hui avec un élève, et j'ai pris des photos. » Ébahie, elle resta une ou deux secondes sans réaction. Comment pouvait-il si bien la deviner ? Même si elle se décidait à transformer le parc, elle voudrait conserver une trace de ce qui avait perduré si longtemps en secret. Un souvenir de l'œuvre éphémère et invisible qui exprimait toute la souffrance muette de sa mère. « Je t'ai apporté le négatif et les tirages. Ils sont dans ma voiture. » « Merci, Sam. » Elle le regardait toujours, avec une certaine mélancolie à présent. Son Samuel familier, indispensable. À quel moment s'était-il perdu définitivement tous les deux ? « Que devient Marianne ?» se força-t-elle à demander. « Aucune idée. Je crois qu'elle a repris son travail, mais on ne se voit plus. » Hochant la tête, Pascal avala sa salive avant de pouvoir murmurer. « Tu trouveras une autre femme, Sam. J'aimerais tellement que tu sois heureux. » « Oui, ça viendra sûrement. Tout arrive. » « Et toi ? Tu files le parfait amour avec Laurent ?» Il n'avait pas vraiment envie de le savoir, c'était l'évidence même. « Faut le buvez sans nous, ce café ?» s'exclama Georges. Dispensé de répondre à la question de Sam, Pascal mit des tasses et le sucrier sur un plateau que Georges lui prit des mains. Ils regagnèrent ensemble le jardin d'hiver, dont Aurore venait d'ouvrir l'une des fenêtres. Le temps est d'une douceur exceptionnelle. On aurait presque pu dîner dehors. La jeune femme se tourna vers Pascal et ajouta enthousiaste. « J'ai repéré des torches formidables chez le quincaillier, le genre de truc qu'on plante où on veut dans la pelouse et qui brûle toute la nuit. La prochaine fois qu'on fait une sortie dehors, j'en achèterai, parce que les lampions c'est bien joli, mais ça n'éclaire pas grand-chose. » Du coin de l'œil, Pascal vit Georges se rembrunir. S'il espérait encore convaincre Aurore de venir vivre dans son appartement, la partie allait être rude pour lui. « Le problème de Pérols, » murmura Sam à son oreille, « c'est qu'une fois qu'on y a goûté... » Il était juste derrière elle et elle en profita pour s'appuyer une seconde contre lui, fermant les yeux. « Je vais rentrer, ma belle. Il est tard et je dois être au bloc à 8 h demain matin. Ton paradis est un peu loin de la civilisation. Je te ramène, Georges ?»« Non, je... »« Je le garde pour cette nuit, » précisa Aurore en riant. « Alors bonsoir. » Il récupéra son blouson resté sur le dossier d'une chaise. « Viens avec moi jusqu'à la voiture que je te donne tes photos. » Un peu mal à l'aise, Pascal l'accompagna dehors. Il retournait seul à Toulouse. C'était logique, chacun chez soi. Comme des amis de longue date se quittant après une bonne soirée, ravis les uns des autres, et à la prochaine. Tiens. Il lui tendait une pochette qu'elle prit machinalement. Dors bien, ma belle, fit-il en se penchant vers elle. Au lieu de l'embrasser, il se contenta d'effleurer sa joue, de serrer son épaule, puis il monta dans sa voiture. Immobile, elle regarda s'éloigner les feux arrière qui disparurent au tournant de l'allée. La nuit était effectivement très douce, et Pascal leva la tête pour contempler les étoiles. Sans raison, un vers de Cyrano lui revint en mémoire. Tant de choses qui sont mortes, qui sont nées. La sœur qu'elle s'était découverte, la douleur muette de sa mère, cette grande maison derrière elle, et Samuel qu'elle avait perdu. Pourquoi l'existence lui semblait-elle soudain si compliquée ?